Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre de une personne? Exactement, comment se sent? Perdu la tête, où est le chemin de ma mère? Et pour qui sentis attraction sexuelle affective? Oh, pour autres mujeres. Ella deja de ser mujer, pour eso? La santé. Es imposible dissociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. Para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour les auditrices, je reprends la série sur neuroatypie et militantisme. Dans ce troisième épisode, j'aimerais chercher à creuser un peu plus en détail certains des obstacles à nos fonctionnements communautaires et militants au prisme que je connais le mieux, la psychophobie, en essayant bien sûr de prendre en compte toujours ces intersections avec les autres oppressions systémiques. Bon, en gros, dans nos cercles queer militants, On a pas mal cheminé ces derniers temps sur le fait de conscientiser et re-conscientiser que la violence s'arrêtait pas à la sortie des relations cis-hétéro, qu'elle nous suivait, nous imprégnait et qu'on la reproduisait, et que se dire que parce qu'on est queer, neuroa, militant et autres, on serait plus safe dans nos relations, c'est un gros et dangereux écueil. Mais c'est une chose de reconnaître qu'au sein des groupes non dominanteux, on est loin d'être imperméable à la violence, qu'on est donc tenu de questionner, travailler sur des choses douloureuses qui nous font violence, afin de limiter les risques de perpétuer cette même violence. C'en est une autre de savoir comment on agit dessus, je veux dire réellement. Et ce d'autant plus quand interviennent les différentes places de chacun-une dans l'ensemble des oppressions systémiques, et notamment en termes de vécu neuroatypique et ou psychiatrisé. Pourquoi notamment ? Non, je ne pense pas que cette oppression soit plus violente et biaisante que les autres. Je parle juste dans ce que ma position me permet d'observer le plus, et aussi parce que justement, dans la neuroatypie et la psychiatrisation, il y a une grosse caractéristique d'invisibilité et d'intériorité. C'est vraiment ce qui est dans nos têtes et ce que l'on met en forme, en mots soi-même. Et donc il y a une impossibilité à vraiment mesurer pour balancer et contrebalancer les privilèges d'une personne par rapport à une autre, surtout entre personnes qui se présentent comme neuroatypiques et ou porteuses de troubles. On a beau chacun une souhaiter avancer dans nos déconstructions personnelles, et je sais que le mot déconstruction fait lui-même débat car on n'est pas des légos et qu'on reste bien ancré dans nos positions sociales malgré tout, mais tout en essayant de s'améliorer au mieux pour comprendre les autres, rapidement on ressent des alertes internes. Il y a les limites qu'on a souvent mis des années à apprendre à poser, qui viennent, qui accourent à toute vitesse, pour poser un cadre plus restrictif au travail sur soi. Cette expression sonne très développement personnel, désolé. Ainsi, alors qu'on souhaitait vraiment mieux connaître et comprendre telle ou telle personne, et bah d'un coup, nos esprits nous assaillent de plein de trucs, de pensées intrusives, le rappel de traumatismes qu'on a là tout près, juste sous le tapis. Vous avez forcément, je pense, été dans cette situation. Vous avez vraiment envie de mieux connaître et mieux comprendre telle ou telle personne de votre entourage militant. Et puis d'un coup, vos esprits sont assis de plein de trucs, de pensées intrusives, du rappel de traumatismes qui sont là, qui semblent juste sous le tapis, prêts à nous exploser à la figure et on ne sait pas jusqu'à quel point on est capable de rester à écouter cette personne, d'être là pour réel, de dépasser nos propres passifs. Ces pensées qui nous assaillent, cette angoisse, c'est un mécanisme d'autodéfense. On se dit, et à raison, que tous les tapis ne sont pas bons à soulever et à secouer à n'importe quel moment. Et que du coup, il vaut peut-être mieux juste s'éloigner un temps, faire un tour et remettre le questionnement, la compréhension à plus tard. Surtout quand on est déjà en marge de structure et que les institutions médicales et psy font violence à une large partie d'entre nous pour leur transphobie, leur racisme, leur grossophobie, leur psychophobie, leur toxicophobie. Bah tout ça, ça nous mine et on perd la force et l'énergie après des années d'errance médicale. Et ce, encore plus quand les moyens financiers nous manquent. On se retourne alors d'abord vers notre famille choisie, avec laquelle on se projetait dans des recherches d'autogestion. Mais dans les faits, on n'arrive pas à être les aidanteux des uns et une des autres. Des soutiens, oui, jusqu'à un certain point. Être aidanteux, accompagné, c'est un autre travail. Quand ce sont nos proches, il y a souvent trop d'affects en jeu. Trop de traumatismes qu'on se renvoie réciproquement à la gueule. entre personnes minorisées. On n'a pas le recul, les clés nécessaires. Pour apaiser les mots, quand on n'y voit déjà pas clair de son côté, c'est difficile d'aider les autres à y voir clair. Alors il reste quoi ? Travailler sur soi ? Vous l'aurez compris, je pense, je crois peu aux stratégies individualistes, au recours à soi-même, surtout quand c'est dur de savoir par où commencer. Ces situations d'impasse, entre d'un côté un milieu professionnel médical qui est oppressif et le manque de ressources communautaires qu'on a, elle est 100% compréhensible. Et en même temps, on n'a pas le choix. On est obligé de trouver des solutions, des alternatives. Et c'est de ça que je veux parler dans ce podcast. C'est ce que nous allons devoir de toute façon adresser de nos traumatismes, les tapis qu'on va devoir secouer pour pouvoir avancer, faire communauté, garder un lien social. Il est rarement aisé de trouver quel tapis peut être secoué et à quel moment. Surtout quand tout le monde extérieur passe son temps à te tourner autour en te disant « Hey, vas-y, t'es sûr on peut pas soulever tel ou tel recoin ?» Et puis, notre cerveau n'est pas déconnecté du reste de notre corps, bien au contraire. Et notre corps est lui aussi imprégné des différents traumatismes qu'on a pu vivre, que cela soit directement en lien avec le décalage vécu du fait d'une neuroatypie ou en raison d'autres mécaniques d'oppression et d'agression. Tout est en influence constante. Notre corps nous envoie des signaux, notre cerveau, et vice-versa. Alors c'est là que ça coince. Car justement, du coup, même entre personnes neuroatypiques, on a du mal à converger les uns vers les autres. Car nos besoins, nos traumatismes, s'excluent régulièrement mutuellement. Et ce, même entre personnes avec a priori les mêmes neuroatypies. Parce que justement, une neuroatypie n'est pas une identité en soi. Mais même si c'est fastidieux et effrayant, il me semble que vraiment tous, que nous nous identifions ou pas au terme de neuroatypie ou à un diagnostic, nous nous devons l'effort mutuel de compréhension, déconstruction de nos propres schémas, pour éviter de reproduire des formes d'oppression sur les autres. Oui, c'est bien qu'on ait pu foutre des trucs sous des tapis pour se préserver, mais le simple fait de ne pas vivre seul, dans une bulle suspendue et hermétique à tout le reste de l'univers, signifie que tôt ou tard, il y a forcément certains tapis qu'il faudra au moins un peu soulever. Le plus difficile sera forcément d'identifier nos limites vraiment infranchissables, car celles-ci souvent existent, et elles sont des garde-fous importants. Au-delà de ça, au-delà de ces barrières indépassables, il y a un mécanisme assez courant d'autoprotection qui fait que nous avons tendance à bloquer sur des choses en surface, qui nous permettent de simplifier ou de détourner un peu l'intention de ce qui nous fait vraiment profondément violence. Dans le milieu militant, et notamment grâce au réseau Instagram, s'est développé le concept de trigger. Il signifie gâchette en anglais. Et il vient désigner l'ensemble des éléments, des mots, des contextes qui redéclencheraient chez nous, en nous, une violence vécue par le passé. Le terme s'est pas mal répandu, voire un peu banalisé, pour désormais qualifier beaucoup de situations différentes sur un spectre allant de l'état de sidération, de dissociation ou de décompensation typique des réactions post-traumatiques, jusqu'à parfois être employé pour juste qualifier des situations de mal-être, d'inconfort. Parfois, avoir identifié ces triggers peut vraiment fonctionner comme des avertissements utiles pour se protéger. Le principe des trigger warnings, par exemple, redonne des clés pour éviter de subir un contenu qui ferait mention de violences qu'on aurait pu vivre, nous confrontant possiblement au fait de revivre ces violences. Et ça a tout son sens, notamment si on regarde un film, une série, on écoute certaines musiques, ou un spectacle. On vient pour souvent se changer les idées ou avoir un autre regard sur le monde, mais pas pour revivre une expérience douloureuse. Et il devrait y avoir aucune obligation à subir ces violences. Mais parfois, dans d'autres contextes, on se retrouve assez berné par ce qu'on perçoit comme des triggers. On tombe dans des besoins de catégorisation hâtive, qui sont des mécanismes totalement normaux de nos cerveaux, mais qui tendent vite vers des interprétations exacerbées du danger. Les stéréotypes véhiculés par les oppressions systémiques n'aident pas sur ce plan-là. Souvent, nos fichus cerveaux préfèrent résumer ou représenter le mal autour d'un élément, en effaçant le fait que ce n'était pas cet élément-là qui nous a fait du mal, mais l'agencement de plein d'autres facteurs. Et tout ça, c'est dangereux, car nous sommes alors poussés nous-mêmes à véhiculer d'autres formes de discrimination et d'oppression, tout en nous dédouanant à l'intérieur de nous, parce que nous sommes bloqués par la peur qu'on nous fasse violence à nous. C'est toute la confusion avec le terme de phobie. Ce mot censé définir des peurs extrêmement fortes et ancrées et plutôt incontrôlables, et qui progressivement est venu caractériser des rejets oppressifs de personnes minorisées, par des termes comme homophobie, xénophobie, islamophobie. Très certainement que ces phénomènes de rejet englobent également des ressentis de peur. Mais des peurs biaisées, que ce soit par l'intériorisation de phénomènes de détestation, de la différence en soi ou chez les autres. Et tout ça est alimenté par des stéréotypes insécurisants qui font de l'autre une menace. Les racines des mécanismes de rejet ou de haine sont tout aussi complexes en termes d'héritage culturel, social, personnel. Pourquoi les considère-t-on comme inacceptables ? Parce que nous les savons basés sur des interprétations fausses, biaisées, et ou s'appropriant le pouvoir d'assigner un ensemble de personnes au nom de certains éléments perçus, couleur de peau, accent, expression de genre. Ces stéréotypes les renvoient à une seule et même catégorie, en les essentialisant, c'est-à-dire en faisant l'élément essentiel de leur identité et en les infériorisant. Ces éléments de ces personnes leur retirent toute individualité, et elles ne sont plus vues comme des sujets, mais sont renvoyées à une place de déviante. Ce rejet s'inscrit dans un mécanisme de pouvoir, puisqu'il s'agit de se positionner soi-même en tant que norme et de penser assurer la cohésion du groupe de ses pairs PAIRS en rejetant celles auxquelles on ne s'identifie pas. Jusque-là, je pense que nous sommes a priori tous d'accord. Enfin, sauf s'il y a des fachos qui se seraient égarés parmi mes auditrices. Or, si cela nous semble évident pour certaines manifestations d'oppression, qu'on a historiquement quand même bien identifiées, il se trouve que les mêmes mécanismes continuent d'opérer en nous, sur d'autres plans, en catégorisant des groupes de personnes que l'on rejette sur les bases de ce même sentiment de peur. C'est pourquoi il me semble essentiel de faire la distinction entre les peurs suscitées par de véritables situations de danger vécues ou possibles, et celles liées à des a priori, voire à une fragilité de position dominante, qui refuse de reconnaître ses privilèges pour fuir tout sentiment de culpabilité. C'est notamment ce que recouvre le concept de fragilité blanche théorisé par Robin DiAngelo. Je vous invite à aller lire son essai. Or, plus nous parlons de personnes ayant vécu des violences et s'identifiant en ce sens déjà à une minorité, plus il devient sensible d'aborder le sujet du décentrement de leur point de vue, de s'inviter entre nous, minorités, à également sortir et éviter les simplifications et les catégorisations oppressives sur les autres. Dans son documentaire « Exterminer toutes ces brutes », Raoul Peck parle de la peur comme ce mécanisme qui nous permet de nous raccrocher à une certitude de notre qualité de vivante. Pour adresser ces questions, il nous faut prendre pour point de départ à la fois ce que nous vivons, mais aussi ce que nous véhiculons. Écouter les interrogations des autres, repartir à la première échelle à laquelle nous consacrons notre énergie en priorité, pour éviter de nous laisser entraîner, enfermer dans les premiers ras-le-bol catégoriques qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines personnes. Ces ras-le-bol sont compréhensifs, vu toutes les oppressions et les violences qu'on subit au quotidien, mais elles ne peuvent justifier que l'on reproduise des violences et des exclusions à notre tour. Par exemple, dans nos milieux militants, il est important de réinterroger la systématicité qu'on a à avoir recours à certaines non-mixités, même par fierté. Il est important également de repolitiser la dimension d'allié et l'intersectionnalité comme outil opérant, et pas juste en tant que de se positionner ou de parler de la manière dont on se perçoit. Il faut que le travail d'allié, que l'outil d'intersectionnalité, que les non-mixités, il reste des espaces, des instruments qui cherchent à mettre en lien l'ensemble des expériences et qui ne deviennent pas des étiquettes qu'on ne questionne plus ensuite. En écoutant un podcast sur les parentalités qui parlait de la manière dont on peut parler de religion aux enfants, j'ai été frappée par une phrase. On parlait des dangers des positions rigides, du prosélytisme et de la recherche d'une pureté éthique. Là-dessus, je sais de quoi je parle parce que, surtout vis-à-vis de moi-même, je suis quand même quelqu'un de plutôt rigide d'un point de vue de mes idées et de mes actions politiques, militantes, etc. Or, dans ce podcast, une intervenante disait qu'il s'agissait surtout, auprès des enfants, de pouvoir cultiver le travail et la liberté de questionner, et pas de leur apporter à chaque fois les réponses. C'est, je crois, là, un horizon beaucoup plus vivable pour nous tous, pour évoluer, nous rencontrer, apprendre les uns une des autres. Mais bien sûr que c'est épuisant, quand des questions se répètent, et qu'on a le sentiment qu'on devra toujours s'adapter, faire des compromis, reformuler. Et que ce travail, c'est essentiellement le nôtre en tant que minorité. Que les autres ne font pas leur part, pas assez. C'est épuisant de devoir continuer à faire ça dans nos espaces militants. Quand on est déjà contraint de faire ça au quotidien dans sa vie pour être compris et accepté par des groupes sociaux davantage normés. C'est ainsi que de nombreuses personnes qui ont vécu des violences sexuelles par des hommes cis identifient le pénis comme principal trigger. Sûrement parce qu'il est violent de reconsidérer la violence subie comme la manifestation d'un être humain qui a cherché à exercer un pouvoir de domination, voire d'annihilation sur soi. Face à ce traumatisme, le cerveau s'accroche à un élément a priori plus simple, susceptible de résumer l'acte, et en l'occurrence, qui se retrouve ainsi simplifié en une partie génitale. On sépare une partie corporelle de son auteur. On décale, puis on généralise nos réflexes légitimes de rejet et d'autoprotection, en déplaçant notre vigilance et notre rejet, non plus sur les personnes qui nous font du mal, et notamment sur ce qui leur permet de nous faire du mal, comme la culture du viol, et on vient condenser cette vigilance autour d'un élément beaucoup plus facile à identifier par notre mémoire et qui est renforcé par les schémas sociaux autour de nous. On en fait le principal dénominateur commun de tous les types d'agressions qui sont médiatisées et semblent rappeler l'agression qu'on a subie. Mais faire ce schéma agresseur égale pénis, c'est à la fois passer à côté de toutes les autres formes que prennent les agressions sexuelles, tout en fabriquant un stigmate sur l'ensemble des personnes qui ont un pénis. Et donc y compris des personnes trans ou intersexes, des personnes qui sont elles-mêmes déjà exposées à beaucoup de violences autour de ces organes. Un de mes adelphes transmasculins rappelle aussi régulièrement qu'il considère que les violences sexuelles qu'il a subies ne se faisaient pas en fonction du genre qu'on lui percevait, mais bel et bien en fonction des organes génitaux qu'on lui attribuait. Et que considérer donc qu'il aurait été agressé par un pénis le renvoie et lui aurait duré aussi à ses organes à lui, encore et encore. Un mécanisme similaire de peur et de rejet s'opère vis-à-vis de la consommation de substances. Il est en effet fortement médiatisé que beaucoup des violences sont exercées par des personnes sous substance. Or, 1. Cette soi-disant vérité générale est biaisée. Quand on voit les biais choisis par les médias, il semble assez logique que lorsqu'on focalise sa recherche dans un certain type de violence et un certain groupe de personnes, tôt ou tard les données finissent par se croiser. À côté de ça, quelle analyse vraiment fiable de l'ensemble des violences opérées par des personnes n'ayant pas pris de substance ? Quelle analyse des comportements de personnes sous substance n'ayant pas de comportement violent ? On a très peu d'études là-dessus, mais elles sont très peu médiatisées. De toute façon, ces études sont sûrement sans fin, tant il y a des violences différentes à catégoriser. Mais si on accepte de remettre en cause l'équation substance égale violence, et qu'on reprend les études qui tâchent d'analyser plus précisément les origines et les mécanismes de diffusion de la violence, sous le prisme non plus de quelque chose de périphérique et aléatoire, mais bien comme l'expression de l'intériorisation d'une position de domination, les substances ne deviennent alors que des éléments extérieurs auxquels peuvent avoir recours des personnes déjà inscrites dans cette dynamique de domination. Et on voit dans beaucoup de témoignages et de travail d'associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes autoristes de violence qu'en fait ces substances, elles ne sont qu'un vernis, que des choses qui se permettent de passer à l'acte, mais que le fond de la violence, il a été transmis avant et il est permis par tout un contexte culturel. Chez les personnes autoristes de violence qui étaient sous substance, la substance, en fait, les études montrent que la substance est surtout là pour brouiller les sens et faciliter la dissociation, voire pour faire figure de vitrine derrière laquelle on refuse ensuite de reconnaître ses responsabilités. De ce fait, des phrases toxicophobes comme « moi, les personnes qui prennent » et là vous pouvez insérer n'importe quelle drogue, je ne peux pas parce que j'ai vécu telle ou telle chose, c'est toujours catégoriser un ensemble de personnes en refusant de les considérer sous les autres facettes de leur identité. Donc en refusant de les considérer comme des sujets à part entière. On leur refuse le droit d'être différentes les uns une des autres, et on déplace l'origine du traumatisme non pas sur un mécanisme d'oppression qui a été véhiculé par des personnes, mais sur une consommation. Et donc finalement c'est le même mécanisme qui assigne et diabolise des groupes selon leur couleur de peau, leur situation économique, leur orientation sexuelle, leur partie génitale ou leur particularité psychique ou physique. Même si, je le reprécise, chaque oppression a aussi des ancrages historiques, sociaux, géographiques, médicaux bien spécifiques, avec des différents degrés et ampleurs de violence. Cela dit, là où l'articulation de nos vécus entre nous devient complexe, c'est que des situations de violence subies entraînent souvent comme première réaction des stratégies d'évitement. Toujours dans cette même mécanique de préservation de soi, qui, dans un premier temps, est naturelle et normale, cette mécanique devient systématique et, au bout d'un moment, n'est plus remise en question, et c'est là où ça devient un problème. On se met à éviter tel ou tel quartier parce qu'on s'y est fait agresser, et que s'y reconfronter peut vraiment provoquer en nous des troubles de stress post-traumatique. On évite de se retrouver à côté de personnes qui consomment telle ou telle substance pour les mêmes raisons. On évite telle ou telle soirée, de se retrouver près de telle ou telle personne dans les comportements sans pouvoir s'identifier à des comportements de personnes qui nous ont fait du mal. Tout ça, bien sûr, je le comprends. Je le fais moi-même. Et je pense qu'autant que cela se peut, il est bon de laisser du temps pour se reconstruire, pour former de nouvelles ressources, qui nous permettent de nous protéger sans avoir à forcément toujours nous couper de tel ou tel type d'endroit ou de personne. Et il ne devrait pas y avoir non plus d'injonction à côtoyer certains endroits et groupes de personnes si cela n'est pas nécessaire à nos vies. Par contre, il me semble toujours extrêmement important de veiller à ne pas catégoriser les personnes et d'interroger régulièrement l'évolution de nos ressentis en restant vigilantes à ce que nos propres évitements ne perpétuent pas d'autres oppressions. C'est la différence entre se protéger individuellement et renvoyer la violence reçue à la gueule d'autres personnes. Si t'es un vrai, dis-moi quand je pars en couille, quand les dangers te montrent que je suis faible. Dis-moi si entre nous y a-t-il embrouille, ou si seulement vous faites les fiers. Des fois je coule en boire des bières, alors que le jour d'hier était vraiment cool. Pour espérer vivre bien, je fais des prières. Tu te la pètes, fais gaffe à toi si le vent tourne. Plein de soucis, je m'ennuie. Je suis pas fou, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer un jeu, sache que je sais tout. Je suis pas fou, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer un jeu, sache que je sais tout. Ça va. Je précise que j'ai commencé à réfléchir sur tous ces sujets au moins l'année dernière. Enfin, disons que toutes les thématiques de justice communautaire et de neuroatypie et psychophobie m'intéressent depuis longtemps et tout particulièrement depuis que je milite et que j'ai commencé à écrire toute cette partie il y a donc plusieurs mois et que depuis j'ai été confrontée à un bon nombre de situations où entrer encore plus en cohésion justement tous les différents parcours traumatiques, les problèmes psychologiques, etc. avec d'autres oppressions systémiques, des situations desquelles j'étais témoin comme aussi dans ce filet-là et des dynamiques de groupe qui cherchent à gérer ça et n'ont pas forcément les moyens de le faire. Suite à quoi j'ai lu Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman qui mettait vraiment en mots ce sur quoi j'essayais de réfléchir depuis plusieurs mois. Et Sarah Schulman alors présente son écrit comme justement une proposition, pas comme une vérité en soi, et invite justement à ce que ça soit critiqué et discuté. Et c'est pourquoi j'espère par la suite pouvoir en discuter avec d'autres personnes, car je pense qu'effectivement il y a des raccourcis ou des angles morts aussi dans sa vision, mais qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui sont puisées à la fois dans ses recherches, dans son parcours de personnes aussi blanches, mais juives aussi, et qui parle aussi justement de tous les mouvements qu'il y a eu par des auteuristes et chercheuses confession juive pour réfléchir au traumatisme lié à la Shoah et à s'intéresser aux mécanismes qui peuvent provoquer des crimes contre l'humanité de ce type, tout en reconnaissant à l'inverse aussi ce que la communauté juive, notamment en Israël, peut répercuter aussi. Et du coup, elle souligne qu'il y a énormément d'autoristes militantes juives qui s'intéressent à ces questions de justement la position et de communautés héritant d'une histoire traumatique et qui, dans certains aspects, qui s'est beaucoup emparée justement de ces questions de psychologiquement ce que ça fait et comment circule la violence et comment est-ce qu'on peut la répercuter à la fois individuelle mais aussi à plus large échelle. Alors ça peut sembler être des gros raccourcis, mais toutes ces analyses, elle les ancre aussi dans l'ensemble de son parcours militant de féministe queer, dans une perspective aussi anti-autoritaire. Et donc au cours de, c'est on va dire je crois, elle parle de 30 années de recherche, d'activisme, etc. et de vie en fait dans une forme de communauté queer aussi aux États-Unis. Elle montre à quel point l'idée de punition est toujours ancrée en fait, même quand on essaye de sortir d'une pensée d'une justice punitive. Il y a toujours cette idée de ok, on nous a fait mal, du coup il faut faire payer quelqu'un. Comme si le fait de pouvoir être reconnu comme victime passait par le fait de trouver à une coupable et de la faire payer. Et après, de manière plus générale, donc, le propos de son livre, c'est de distinguer en fait les moments où ce qui est de l'ordre du conflit, de la non-compréhension, de la différence entre des personnes et qui va se cristalliser autour d'une situation et s'envenimer, peut être traduit ensuite dans le registre de l'agression, selon qui a les moyens à ce moment-là de s'estimer agressé. Et en fait, elle montre qu'il y a deux types de schémas, à la fois les personnes dominantes qui se sentent agressées et qui refusent de se remettre en question, et ce qu'on peut associer en fait à la fragilité blanche, à la fragilité des personnes en position de pouvoir qui refusent de remettre en question leurs privilèges, etc., et donc s'estiment lésées dès qu'on les pointe du doigt, et à la fois les personnes traumatisées qui, à leur tour, ne sont pas encore dans un processus de guérison, et du coup, tout ce qui va les ramener à ça est mis sous l'empreinte du rejet. On a cet héritage du traitement des violences, en tout cas, cis-hétéro, de la parole de la victime. On a simplifié ça en un mouvement général autour qui se contente d'écouter la parole de la victime plutôt que de désescalader et de montrer qu'en fait, bah, ces triggers, en l'occurrence, ne sont pas justement l'origine de son mal. Bah, les mécanismes d'escalade et de groupe font que les personnes ayant été victimes de traumatismes gardent et maintiennent leur confusion entre des éléments déclencheurs et l'origine de ce qui les met mal. Et donc ça crée le fait de faire des confusions encore plus entre conflits et agressions, et de ne pas vouloir rentrer dans un registre de remise en question de ses propres pensées, de ses propres schémas dysfonctionnels, de ne pas oser nommer ça même schéma dysfonctionnel, et ce qui empêche ensuite d'avoir une discussion et d'écouter aussi les autres subjectivités, les autres versions des faits, les autres contextes de ce qui s'est passé. À ce titre, Sarah Schulman parle beaucoup de comment les dynamiques de groupe entraînent toujours plutôt les individus vers l'escalade et vers la recherche de punition. Elle donne un exemple à un moment où elle a été, en tant que professeure, confrontée à une situation où l'un de ses élèves parlait d'elle sur les réseaux sociaux, etc., en disant qu'il était amoureux d'elle, et c'était une personne très minorisée, marginalisée, et elle était très mal à l'aise par rapport à ça, et l'ensemble de ses collègues insistaient pour qu'elle punisse, qu'elle exclue en fait cet élève, et qu'elle a résisté à ça. Donc elle s'est opposée au groupe, et elle a choisi plutôt d'avoir une discussion avec l'élève, et elle a compris qu'elles n'avaient pas les mêmes registres, que lui, il projetait des choses sur elle parce qu'il n'avait pas eu de figure parentale, etc. Et au final, ils ont eu une discussion, il a été suivi par d'autres tutrices, et ça s'est réglé par la discussion, justement. Et ça, Sarah Schulman explique qu'elle est arrivée à sortir de cette situation d'escalade, justement grâce à une formation qu'elle avait suivie avec Catherine Hodes, qui visiblement est une formatrice plutôt dans tout ce qui est management, de ce que j'en ai compris. Justement, on faisait des formations sur la manière dont les conflits pouvaient être escaladés au sein de différents groupes, selon des conflits d'interprétation et toutes les conséquences que ça pouvait avoir derrière, et comment justement désamorcer tout ça. Et que l'une des clés que Sarah Schulman a retenue en fait de cette formation, c'est pour tout conflit, essayer d'articuler contexte, finalité et conséquence, ce qui au final se retrouve au cœur de nombreux processus de justice communautaire qui ont eu lieu partout dans le monde, que ce soit au Québec ou dans d'autres endroits, où on cherche justement à toujours garder cette dimension de proportionnalité dans la gestion du conflit. Et donc je vais juste lire un passage où Sarah Schulman parle de ça. Elle dit: pendant des années, j'ai dû me débattre contre les réflexes punitifs de mes collègues qui mobilisaient un langage initialement forgé par un mouvement radical, le mouvement contre les violences faites aux femmes, et désormais dévoyé afin de rejeter la complexité des situations sociales, l'exercice d'une justice équitable et les conversations en tête-à-tête qui permettent pourtant de résoudre les situations problématiques. Par ailleurs, Sarah Schulman parle beaucoup justement de comment les réseaux sociaux et même de manière générale les conversations par SMS ont accentué encore plus les escalades de conflits, puisqu'on perd une dimension de compréhension de l'émotion de l'autre, etc., qui sont encore plus sujets aux surinterprétations, aux reprojections de ce que l'on craint de l'autre. Elle donne énormément d'exemples de situations qui sont désamorcées beaucoup plus vite, justement en tête-à-tête, là où elles peuvent donner lieu à d'énormes conflits, de gros malaises, voire de réviviscences traumatiques suite à des interprétations qui restent juste de l'ordre du virtuel et du SMS. Et par rapport à tout ça, aux accusations et à l'escalade, et qui a tendance à entraîner ensuite l'exclusion de certaines personnes, Sarah Schulman donne aussi beaucoup l'exemple de toutes les situations liées au macartisme, Donc pour rappel, au début de la guerre froide aux États-Unis, tout ce qui était lié à la chasse aux communistes, en fait, dans l'ensemble des sphères, et où tout le monde, au final, commençait à accuser l'autre très vite, et où on a très vite perdu et retiré aux personnes genre, qui étaient accusées toute opportunité de pouvoir s'expliquer, de discuter, de répondre aux accusations, et que dans ce mécanisme de dynamique de groupe, pression sociale, d'intimidation et d'allégeance néfaste, on se peut précipiter vers la mise à l'écart, et que ça, ça a eu des conséquences matérielles et émotionnelles très importantes pour l'ensemble des personnes qui ont été exclues, et qu'on retrouve donc dans plein d'autres dynamiques de nos communautés, aujourd'hui encore. Et à quel point aussi, psychologiquement, le fait de ne pas vraiment connaître et comprendre de quoi on est accusé et de ne pas avoir la possibilité de se défendre a des conséquences extrêmement graves sur le plan psychologique et néfastes. Et qu'en plus, Sarah Schulman pointe le cycle infernal qu'il y a là-dedans, puisque après, bah, les personnes qui ont accusé se retrouvent... Enfin, la situation est allée tellement loin qu'elles se retrouvent en incapacité de revenir sur leur dire, refusent de se remettre en question parce que ça soulèverait trop de problèmes les concernant et de présenter des excuses. Et pour Sarah Schulman, il y a là le même mécanisme qui consiste même au sein de minorités qui sont très anti-institution à avoir recours à la police à certains moments, alors que la police, justement, le propre de son fonctionnement, c'est de chercher des coupables, c'est de punir. Et du coup, c'est une manière, en fait, pour des personnes qui ne savent plus gérer les conflits et sont dépassées, qu'elles vivent trop d'oppression et qu'il n'y a pas eu de gestion et de guérison pendant tous ces moments et de désescalade, finissent par appeler la police, qui ne fait que ramener encore davantage de violence, parce que va chercher à caractériser une agression alors qu'il y a là, en fait, tout un tas de conflits privés et de couches de traumatisme entre les personnes en présence. Et vu que la police ne cherche qu'à trouver une autrice d'agression et une victime, l'intervention policière nourrit l'escalade jusqu'à punir et n'aide pas, du coup, à comprendre et désamorcer les conflits privés. Et Sarah Schulman mentionne toute la période sous Reagan, justement, où... L'arrivée de cette droite, du coup, néolibérale au pouvoir aux États-Unis a fortement incité les associations à avoir de lutte contre les violences, que ce soit les associations féministes, queer, etc., à avoir de plus en plus recours à la police. Il y a tout un chapitre aussi qui parle du recours à la police dans la gestion de l'épidémie du sida au Canada. Et du coup, qui se fait au détriment de tous les processus propres de dialogue, d'information, de transparence, de discussion qui avaient été mis en place par les associations elles-mêmes et donc qui ont perdu ce savoir-faire pour retomber dans une justice punitive où certains groupes qui étaient minorisés, par exemple certains groupes gays, etc., se retrouvent à pouvoir accéder à ce privilège des dominants de juste avoir recours à la justice punitive, mais du coup en reproduisant à leur tour un système de domination sur des personnes et des groupes plus minorisés. Et à ce titre, Sarah Schulman aussi parle de mécanismes de loyauté où elle parle de l'intervention des bonnes et des mauvaises familles, donc l'une comme l'autre. L'expression « bonne ou mauvaise famille » fait référence à des systèmes dysfonctionnels, en fait. La bonne famille étant vue comme celle qui protège ses membres envers tout et refuse, en fait, qu'on s'en prenne à ses membres. Mais ce qui est hyper malsain, parce que sous cet aspect de loyauté bâti autour de l'idéologie de la famille nucléaire, sur un modèle très petit bourgeois de protection, en fait, d'un patrimoine, d'une identité, qu'elle soit nationale, familiale, bourgeoise, etc. Du coup, on refuse toute remise en question de ses membres pour juste maintenir son pouvoir, là où la mauvaise famille, au contraire, en fait, rejette toute personne qui n'est pas conforme à ce qu'elle perçoit, toute personne qui est de sa famille qu'elle perçoit comme déviante. Et que ces mécanismes-là, en fait, ils entrent en jeu, et de la même manière, c'est quelque chose qui, au-delà des familles nucléaires, dans nos familles choisies, c'est quelque chose qu'on constate énormément, que ça soit par dynamique de loyauté, par amitié ou genre justement par amour romantique qui va venir privilégier la personne avec qui nous sommes en relation ou dont nous sommes les plus proches au détriment de nos principes éthiques, de justice, de compréhension que en fait il se passe d'autres choses et qui mériteraient la désescalade parce que les personnes proches de nous sont en train de revivre des traumatismes et du coup mériteraient qu'on les aide à dresser ces situations. Et en fait, le fait de juste jouer sur la loyauté et de juste choisir un camp directement par les personnes dont on est les plus proches à ce moment-là, bah, ça dessert les personnes qui se trouvent accusées du coup juste parce qu'elles ne sont pas dans notre groupe affinitaire le plus proche, et ça dessert aussi les personnes qui nous sont proches parce que du coup on leur permet pas d'entrer dans ce mécanisme de se confronter à leurs pensées dysfonctionnelles et de guérir des traumatismes qu'elles ont subis. J'espère que vous me suivez toujours. Et du coup Sarah Schulman fait un parallèle alors qu'il peut sembler très très polémique, mais qu'elle explique quand même assez bien. En gros, les deux types à l'extrême opposé de personnes qui vont accuser les autres et ne pas se remettre en question, qui sont donc le vécu des personnes dominantes qui refusent qu'on les mette face à leur domination, leur privilège, et le vécu des personnes traumatisées qui, parce qu'elles n'ont pas pu avoir un processus de guérison, vont refuser aussi toute remise en question par la suite et donc reproduire de l'exclusion et reproduire à leur tour de la violence sur d'autres personnes. Et en fait, ces deux profils qui peuvent sembler être à l'opposé, qui sont des vécus qui peuvent coexister au sein d'une même personne, vont finalement, à terme, avoir les mêmes stratégies d'exclusion. Et donc, je peux lire un extrait là-dessus. Concernant la personne dominante, Sarah Schulman dit par exemple « Dans nos propres vies, famille, groupe de PRPAIR-ES, communauté, lieu de travail, nous avons tous eu affaire à un moment ou à un autre à la figure du patriarche, du mâle dominant, du nationaliste, du raciste ou simplement du petit notable de province qui ne tolère aucune opposition, n'a jamais tort, ne s'excuse jamais et pique des colères dès qu'il se retrouve confronté à des expériences qui diffèrent des siennes. » Alors là, je fais un petit aparté, si vous vous rappelez de l'épisode de ma lettre à D, qui accusait justement tout l'ensemble des féministes de son agression au 8 mars, bah, je pense que c'est exactement ça. « Il dénigre les autres, mais ne supporte aucune critique le concernant. Il peut user de sarcasme et de cruauté pour détruire les autres, mais sa compréhension des émotions est pour le moins superficielle. Coucou les mecs cis blancs. Il ne laisse pas les gens lui donner leur version des faits. Il ne cherche pas à résoudre les problèmes, car cela reviendrait à admettre qu'il a fait une erreur, ce qui est impossible. Il est minable. Le genre a envoyé un email agressif, mais à ne pas décrocher le téléphone quand le ou la destinataire l'appelle pour discuter du conflit. Il n'admet pas la complexité et les personnes qui l'entourent ne le contradisent pas. C'est là où on voit comment les groupes dominants se maintiennent entre eux. Son partenaire, ses amis, les personnes qui ont l'impression d'être protégées ou valorisées par lui ou qui bénéficient de son pouvoir font en sorte que les autres ne s'opposent pas à lui. Elles détournent les critiques qui lui sont adressées. Elles sont prudentes quand ils se trouvent dans les parages et se voient récompensées pour cela. Ils ne demandent jamais aux autres « Qu'est-ce que tu ressens ?» Ne dis jamais « Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment vois-tu les choses ?» Ils se comportent comme si les autres devaient être à ses ordres. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils les poursuivent, les intimident, les excluent, les accusent à tort, organisent des exclusions de groupe, produisent des récits alternatifs. Il est capable d'user de la menace, d'en appeler à la loi, voire même de recourir à la violence. Il attend des autres personnes qu'elles obéissent une fois qu'il a affirmé sa position, qu'elles y adhèrent. Et c'est ainsi que le problème est résolu, à travers l'obéissance. Look inside. Look inside your tiny mind, and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Mais la principale différence entre la manière dont les personnes dominantes et les personnes traumatisées vivent leur angoisse et leur projection, c'est que les premières les considèrent comme des droits, tandis que les secondes les vivent avec honte. Si les actes sont similaires, exclusion, accusation, projection ou refus de réparation, les sentiments auxquels ils sont associés sont bien différents. Dans le cas d'un traumatisme, c'est la honte qui rend les pensées et les comportements aussi rigides. La personne est incapable de s'ajuster, car un ajustement altérerait l'image qu'elle a d'elle-même. Elle ne peut pas le supporter, et elle ne peut pas vivre avec. Et si son groupe de pairs, PAIRES, sa famille, sa communauté, sa religion, ou son pays ne souffre pas non plus de se remettre en question, alors elle pourra encore moins supporter le fait d'avoir à s'adapter. Dans ma propre vie, j'en suis arrivée à la conclusion que la réponse la plus dangereuse à opposer à la honte était la reconnaissance. J'aurais pas choisi ce terme parce que je pense que c'est important de reconnaître justement les hontes et les ressentis des personnes. Celles et ceux d'entre nous qui vivent dans des espaces sociaux partagés tels que les villes ou qui étudient l'histoire savent que les gens souffrent. Nous sommes conscientes que les vies des uns et une des autres sont complexes, remplies de contradictions et d'obstacles. Donc s'ensuit une liste d'exemples que Sarah Schulman donne sur des personnes pouvant être amenées à témoigner de traumatismes qu'elles ont vécu. Et Sarah Schulman dit « Les conséquences de ces aveux peuvent être variées. Être honnête avec l'autre en lui livrant des informations est un bon test pour savoir ce que provoque le fait de dire la vérité. » Donc en tant que personne traumatisée à une autre personne. Cela permet de voir si une expérience authentique sera suivie d'un rejet. Mais si une parole honnête est bien accueillie par l'interlocutrice... Notre relation s'est améliorée depuis que tu m'as dit ça. Un retour de bâton est toutefois possible. Il est désormais avéré que l'expérience dissimulée a bien eu lieu. La terrible affaire n'est plus un secret refoulé, mais une réalité incontestable. Ce changement peut provoquer une importante régression. La reconnaissance du préjudice par la personne qui écoute peut alors être prise pour une attaque. C'est ce qu'on a dans beaucoup de séances de psy aussi, le moment où genre on se confronte à des traumatismes et on a d'abord une forte résistance en fait quand on met des mots sur ce qui nous est arrivé, quand c'est enfin reconnu et que ça existe verbalement et pour quelqu'un d'autre. La reconnaissance du préjudice par la personne qui écoute peut alors être prise pour une attaque. La responsabilité de la violence qui a causé le traumatisme peut être reportée sur cette dernière. Ce que tu me fais subir est pire que tout ce que mon père a pu me faire subir. Parce que contrairement au père, la personne mise au courant ne prétend pas que rien ne s'est passé. Les mots « vie privée » ou « limite » sont souvent utilisés pour écarter la menace du dévoilement, pour mettre la honte à distance. La honte entraîne la dissimulation d'informations qui relèvent d'expériences humaines ordinaires, de contradictions et d'erreurs. Parfois, c'est un sentiment qui nous est imposé de l'extérieur, via la stigmatisation. En gros, tout cet extrait permet à Sarah Schulman de montrer comment la honte du traumatisme empêche d'adresser les véritables causes en fait, de ce qui nous met mal et du coup de reporter du rejet, de se sentir en fait, envahie. Toute personne qui va mettre des mots sur ce sentiment de honte et essayer de nous faire un pas de côté pour nous montrer qu'en fait ce qui nous trigger, c'est pas cet élément-là, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, est-ce que ça nous rappelle. C'est cette personne-là qui va être prise pour cible, qui va être prise comme un danger. Parce que ça nous confronte pour la première fois à la situation qu'on a vécue. Et c'est pour ça que c'est souvent vécu aussi comme des intrusions dans la vie privée. Et Sarah Schulman après fait un parallèle avec la culpabilité qui est différente, qui permet justement, au contraire, quand on pointe quelque chose et qu'on accepte de se remettre en question, d'avancer en fait. Alors que si on reste juste dans un sentiment de honte, on ne reste que dans une étiquette de victime. Bien sûr, tout ça est à prendre avec plein de pincettes, selon les contextes, etc. Et ça ne veut pas dire que les personnes victimes sont responsables de ce qu'elles ressentent. Par contre, elles sont responsables de la violence qu'elles reperpétuent ensuite vis-à-vis des personnes qu'elles perçoivent comme des menaces. C'est là où c'est tout l'enjeu, en fait, d'adresser ces sujets qui sont très sensibles pour justement éviter que se perpétuent encore et encore les violences dans nos communautés parce qu'on est entre personnes minorisées avec des vécus très complexes et souvent appris en premier abord incompatibles. Et je vous lis maintenant un autre passage qui parle là des mécanismes des personnes traumatisées qui ensuite justement se sentent trigger par des choses et font la confusion entre ce qui les trigger et la cause de leur souffrance en du coup s'enfermant dans cette situation de victime, en faisant du conflit une agression et en refusant toute remise en question, tout dialogue, etc. Donc je cite, enfin je lis: selon moi, la honte entraîne la dissimulation d'informations qui relèvent d'expériences humaines ordinaires, de contradictions et d'erreurs. Parfois, c'est un sentiment qui nous est imposé de l'extérieur via la stigmatisation. Par exemple, être séropositive est une expérience humaine désormais assez banale. Or, certaines personnes préfèrent ne pas le révéler par crainte d'être maltraitées par les autres. Mais pour la plupart d'entre nous, dissimuler des informations parce qu'on a honte de leur contenu est une situation que l'on s'auto-impose. On cache des expériences sans avoir conscience qu'elles sont largement partagées. La honte qui découle d'un traumatisme comprend une part de narcissisme, tiré, une croyance dans le fait que l'on est unique, différent, et qu'il est impossible que les autres puissent ressentir la même chose que nous, ni même comprendre ce qui nous agite ou ait besoin d'explications pour le comprendre. Ceci explique en partie pourquoi la stratégie d'organisation politique telle que Jewish Voice for Peace, le plus important regroupement international de juifs, veut, opposé à l'occupation israélienne, a été aussi inspirante. Ses membres assument et reconnaissent les injustices perpétrées par les juifs, veut, à l'encontre des Palestiniens haines. Ils et elles ne mobilisent pas l'idée d'une atteinte à la vie privée pour s'en défendre, ne cherchent pas à cacher leur linge sale. Ils et elles érigent la révélation publique des erreurs en modèle, s'expriment et agissent en accord avec une certaine idée de ce qui pourrait être juste. En ce sens, ils et elles jouent le rôle d'amis bienveillants d'eux et disent à leurs sœurs et frères juifs veux, amis membres de la famille, qu'il n'y a aucune raison de craindre d'affronter leurs erreurs. Assumons nos actes afin que la violence puisse cesser. Engageons-nous, une masse critique du « nous », dans cette voie, sans quoi l'oppression ne prendra jamais fin. Aboutir à ce résultat est bien plus important que prétendre être sans reproche. Voilà à quoi ressemble un bon groupe, une communauté positive, une famille saine, des amis réellement aimantes. T'es pas mouru, Lan. T'es pas mouru. Tout cet essai de Sarah Schulman prône le fait d'aider l'autre à faire la différence, à ne pas avoir peur des mots d'irrationalité, car c'est ce qui se passe quand quelque chose nous rappelle à un traumatisme. Elle parle de l'importance du groupe de pairs, P-A-I-R-E-S, d'aider à la désescalade. Cette démarche, c'est différent des accusations de gaslighting, un terme qui renvoie à lorsqu'une personne en position dominante discrédite le discours d'une personne dominée, lui fait croire que ce n'est que dans sa tête, etc., etc. On a souvent tendance à avoir très vite recours au concept de gaslighting et en avoir une interprétation rapide et étroite. Le gaslighting existe et est très fréquent, et c'est une technique de manipulation, parfois et qui peut être aussi tout à fait inconsciente de la part d'une personne dominante. Mais si vous, de l'irrationalité que ressent votre ami, parce qu'il est votre ami, et que vous voyez directement là qu'elle est en train de revivre son trauma, ce n'est pas du gaslighting, ce n'est pas nier son trauma, au contraire, c'est redonner consistance à la réalité et au présent. C'est-à-dire de réancrer votre ami temporellement et matériellement dans le fait qu'il n'est pas dans son traumatisme, que le traumatisme est passé et que la situation là est différente. Ce qui ne nie pas son ressenti, mais invite en fait à aller au-delà, à l'accompagner à aller au-delà. Et c'est un rôle du coup très difficile parce que du coup, très vite, le rejet et la résistance de la personne traumatisée peut se repositionner sur vous. Remettre de la différence, de la complexité dans les situations pour pouvoir ensuite avancer et ne pas sans cesse laisser le passé prendre la place du présent est fondamental. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé ou nier le ressenti, c'est aider à en sortir en nommant l'amalgame, les raccourcis qui sont faits parce qu'ils sont logiques. Vriller quand on a vécu un traumatisme est logique. Dans la continuité des enjeux soulevés par Sarah Schulman, il y a une importance particulière selon moi à réinterroger régulièrement l'évolution de nos triggers, car oui, ils sont susceptibles d'évoluer. I used to be afraid of so much in this world. I'd tiptoe through each day like some frightened little girl. Then one day I realized I can't just run and hide from life. Now if someone pulls a gun on me, I pull out my knife. I don't follow. Sit on my lap like I'm Santa and listen to me. Face your fears, stare them down. Don't be scared, stand your ground. Cause nothing is that scary as it appears. All you gotta do is face your fears. Okay, I think I'm starting to get it. If a bear runs at you in the woods, don't run away. Yeah, I'm back here, sing to me. Look it deep in the eyes, put your hand on its chest and say, bear, I'm not afraid. Well, that's just dangerous. If you're in a burning building and smoke is everywhere, keep calm, take a deep breath, and stay right there. That's not how smoke or fire worked. Une part de moi est aussi un peu blessée d'entendre à chaque fois des personnes qui se permettent de se montrer catégoriques sur le fait de, je cite, « ne pas pouvoir supporter telle ou telle situation ou comportement ». Comme si c'était genre une vérité objective, quelque chose qui dans tous les cas était insupportable et du coup qualifié des personnes de rejetables en fait. Alors qu'il y a bien d'autres personnes qui ne peuvent pas faire ce choix de ne juste pas supporter tel ou tel comportement ou telle situation. Et qu'on est nombreux à être bien obligés de s'adapter parce qu'encore plus minorisés sur d'autres aspects ou parce que certains triggers sont plus communément admis que d'autres. Bien sûr, je ne souhaite absolument pas réactiver les dynamiques de compétition, de légitimité ou de souffrance. Et je souhaiterais demander, y compris aux personnes les plus proches de moi, de rester vigilantes aux phrases toutes faites, moqueuses ou excluantes qui peuvent me heurter moi autant que tout un tas d'autres de mes adèles psychiatrisés et pour lesquels nos psychiatrisations freinent justement bien souvent la verbalisation de ce sujet. C'est-à-dire, genre, moi, les personnes avec tel diagnostic, je peux pas, nanana. Donc de généraliser un ensemble de personnes, de comportements, parce que vous avez connu des personnes qui vous ont fait du mal et qu'il se trouve qu'elles avaient notamment cette neuroatypie ou avaient ce traumatisme. Mais c'est hyper violent, en fait, d'être généralisé là-dedans. Et nous-mêmes, en fait, on a plein d'autres triggers très spécifiques qu'on n'ose pas forcément dire et pour lesquels on est obligé de s'adapter parce que la société dominante est comme ça. Pour resituer un peu, pour ma part, l'ensemble de ce qui parle, touche à la bouffe et au principe de digestion, c'est un énorme trigger pour moi, au sens de réaction de défense post-traumatique, de dissociation psychique. C'est-à-dire que vraiment, je dissocie, je ressens de la violence dans mon corps, je ressens corporellement des douleurs. Or, la bouffe, l'alimentation, parler de nourriture, c'est présent partout, c'est visibilisé, c'est discuté à tout va. Je pourrais jamais complètement réussir à m'en couper de ça, parce que ça reviendrait à me couper de l'ensemble des êtres humains haines qui m'entourent. Alors, j'ai pu demander autour de moi à ce qu'on m'aide à minimiser un peu mes triggers, en demandant à éviter à ce qu'on en parle quand ce n'était pas nécessaire. J'ai pu développer mes propres protections. Quand j'entends les mots qui sont susceptibles d'être des éléments déclencheurs de mes crises psychiques, je dissocie justement, ou parfois je déclenche des musiques dans ma tête, je me concentre sur autre chose. Et sinon, bah, juste je douille, quoi. Et je vais pas dire, bah, moi, les gens qui parlent de la bouffe, c'est pas possible. Et je sais bien que ni l'alimentation, ni la digestion ne sont des menaces directes, et pas plus que ne le serait une partie génitale ou une consommation de substances par autrui. Je ne demande pas non plus à ce que mes triggers, qui sont incompatibles avec la vie, avec d'autres, des personnes qui auraient besoin de toujours d'en parler tout le temps pour plein de raisons par exemple, bah, je demande pas à ce que mon rapport compliqué, traumatique à ça, devienne source de normes pour tout le monde, qu'il devienne une théorie politique encore une fois. Si je l'en faisais une norme, ça pourrait à son tour être traumatisant pour d'autres personnes. Là où je veux en venir, c'est que j'aimerais que de temps en temps les autres adelfes autour de moi fassent de même et aient le même effort d'humilité vis-à-vis des situations qui leur semblent indépassables alors qu'elles sont le quotidien de gens, et ce, rarement par choix. Gardons à l'esprit que l'ensemble des diagnostics psy sont couverts d'énormément de stigmates alimentés par la pop culture qui est avide de sensationnalisme. On a ainsi facilement à l'esprit que de nombreuses personnes avec des troubles sont peu fiables, épuisantes, trop ceci, trop à la bourre, voire dangereuse. Cela demande donc d'autant plus de vigilance à cet égard pour ne pas reproduire les discriminations, ne pas bombarder des personnes concernées de questions, de checker ce sur quoi elles sont OK de communiquer, d'aller soi-même chercher des ressources, etc., etc. À côté de ça, la neuroatypie et ou les troubles, quels qu'ils soient, ne sont pas toujours une carte déresponsabilisante non plus. Nous apprenons à gérer nos vies, nos troubles, nous aménager de l'espace, échanger avec nos pairs, PAIRES. Et c'est aussi faire confiance en notre aspect de sujet libre et autorise de nos choix et de nos décisions. Le mieux, comme pour tout, c'est d'accepter la communication. Et tout en reconnaissant la légitimité des crises émotionnelles, de veiller à garder ensuite des espaces de soins, d'échanges, pour continuer à cheminer ensemble autant qu'on le peut ou on est contrainte parfois, parce que c'est la vie de le faire. Parce que tout ça, en fait, ça vaut pour bon nombre de situations susceptibles de nous arriver à tous. Le principe de la société et de la mythologie validiste blanche-bourgeoise, c'est de penser que la vie normale et majoritaire se fait sans grande encombre, d'un point A vers un point B, dans une dynamique d'évolution toujours positive, progressiste. Donc c'est ce même principe très productiviste, progressiste, qui a formé des tabous sur nos mortalités, nos possibilités de tomber malade. On parle d'accident de la vie, mais en fait, qui connaît une seule personne qui, tout au long de sa vie, ne sera jamais confrontée à la mort de proches, à des traumatismes physiques, psychiques, qui vont bouleverser ses plans, à des ruptures, etc., etc. Cette illusion qu'on continuera toujours à vivre avec les mêmes ressources, des capacités relativement indéfinies, bah, tout ça, ça nous empêche de construire en nous les ressources nécessaires au deuil que nous aurons forcément à faire tout au long de nos vies. Le deuil des personnes que nous aimons, le deuil des manières ou des lieux spécifiques où nous vivons, le deuil des rêves ou juste des projets que nous ne pourrons pas mener jusqu'au bout. Nous tombons chaque fois incrédules, chaque fois en ne sachant pas par où commencer, avec qui en parler, avec le sentiment que tout s'effondre, sans aucune idée des ressources et des autres manières de nous reconstruire, de vivre différemment. Après la première phase de choc, vient souvent l'idée que nous ne sommes rien d'autre que ce que nous venons de perdre, que nous n'avons pas appris à voir la multiplicité de nos parts d'identité, de nos ressources. Nous pensons qu'aucune continuité avec notre vie d'avant n'est possible, ou que cela serait trop douloureux, que la seule manière de s'en sortir est peut-être de faire table rase, de ne plus en parler, de supprimer tout ce qui nous rappelle la situation révolue, au risque de créer finalement des scissions supplémentaires en nous. Mais alors on fait comment pour apprendre à doser entre ce dont on doit se préserver et ce que l'on peut se réapproprier, ce que l'on peut dépasser tant pour soi que pour cheminer vers les autres. La rencontre avec la réalité d'autres personnes permet de se reconnaître dans l'autre et de recomplexifier chaque situation. Comme le montre Sarah Schulman encore une fois dans son livre, c'est tout le propre en fait de ce que nous permettent les séries, les livres, etc. en nous donnant accès à l'intériorité de plusieurs personnages, aux situations, et on voit bien quand on voit des conflits à l'écran qu'on comprend les différents agissements et les différentes trajectoires des différents personnages. Et je pense que c'est un bon moyen en fait de garder à l'idée un peu plus de complexité, ce à quoi on n'a pas accès dans notre vraie vie, où on est genre juste seul avec les éléments auxquels on a accès et nos propres parcours de vie psychique. La rencontre avec la réalité d'autres personnes permet de se reconnaître dans l'autre et de recomplexifier chaque situation. C'est d'ailleurs cette peur de l'autre qui constitue la base de la plupart des projections validistes. Comme mentionné à plusieurs reprises dans la série documentaire Handicap, hiérarchie des filles, la figure du « handicapé », entre gros guillemets, a pour but de rassurer les personnes valides. L'empathie et une meilleure tolérance sans lesquelles aucune intersectionnalité, aucun pont ne sont réellement envisageables. À ce titre, une différence intéressante est faite dans le podcast de Gang of Witches. L'empathie est différenciée de la compassion. L'une consiste à souffrir pour l'autre, là où l'autre souffre avec, c'est-à-dire à côté. On fait également la différence entre empathie et sympathie. Le fait de souffrir directement avec l'autre réduit la marge d'action. Car tout ce que l'on souhaite dans une culture où nous apprenons à fuir la douleur, bah, c'est directement de l'éliminer, de l'apaiser, et donc de nous en défaire. Donc le fait de souffrir directement avec l'autre réduit la marge d'action. Car tout ce que l'on souhaite dans une culture où nous apprenons à fuir la douleur, c'est directement l'éliminer, l'apaiser, et donc nous en défaire. Ce qui explique notre réaction à fréquemment tourner la tête des souffrances des autres pour nous préserver nous-mêmes, ce qui à plus grande échelle et sur le long terme n'aide pas du coup à générer des mécanismes d'entraide. Dans ce podcast de Gang of Witches, l'invité ajoutait que ce mécanisme de retrait qui nous apparaît alors nécessaire pour nous préserver est aussi en Occident très lié à une dissonance entre l'amas de problèmes que nous voyons et pour lesquels nous savons que les sociétés dans lesquelles nous vivons sont historiquement et systémiquement responsables et le sentiment d'impuissance que nous avons vis-à-vis de ce que nous pourrions faire pour sortir de ce mécanisme global dans lequel on est pris et pour améliorer les choses. Mais là encore, il y a aussi une racine propre à une construction très centralisée sur l'individualité, qui fait que nous sommes poussés à croire qu'une part importante de responsabilité nous revient individuellement. Mais ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas l'intervenante. Et donc, qui dévalorise les possibles que nous ouvrons en pensant déjà à nos échelles premières, comme celle du soin en collectif. Cette manière de concevoir les problèmes d'abord dans notre échelle individuelle et je pense renforcée par la prise de conscience culturelle de la position de domination, de confort et de privilège que l'on a en vivant dans des sociétés occidentales. Pas besoin d'avoir grave bûché sur la sociologie pour avoir ne serait-ce qu'un minimum conscience de l'inégalité de nos positions face au reste du monde. Les médias, les récits d'ailleurs, même les voyages, etc. nous renvoient à cette spécificité de notre place, sans que pour autant la réflexion et les propositions d'action aillent bien plus loin. En restant immergé dans notre milieu, on peut encore en détourner les yeux. Mais lorsqu'on se retrouve directement confronté à l'autre et tout ce qu'elle n'a pas, car notre société le monopolise, le rappel de la réalité est violent. Il y a un extrait de ce podcast qui est justement illustratif, où la personne a pris conscience du manque de matériel qu'il y avait en Syrie pour soigner les personnes, alors que ce matériel existait et que du coup les personnes matériellement aurait dû pouvoir être soignée. C'est aussi ce type de violent retour à la réalité que j'ai vécu en Équateur, en me déplaçant dans des populations à la culture et aux conditions de vie si éloignées de la mienne. et justement aux communautés expropriées de leur mode de vie du fait de politiques et dynamiques néolibéralistes venues d'Occident. Je pense qu'à un niveau structurel, on entretient ce genre de dissonance en Occident, mêlé aussi d'un héritage historique et entretenu par tous les modèles économiques mondiaux qui placent toujours les personnes blanches en position de faux saviorisme. Comme si c'était nous qui allions apporter toujours les solutions et qui avions une bonne parole à répandre. On est empêtré dans cette pensée que nous devrions, nous, amener les solutions aux problèmes des autres tout en ne voyant pas vraiment quoi faire, pas par où commencer. Et nous ne nous mentons pas non plus tout en ayant peu envie de renoncer à nos privilèges et en ne supportant pas trop la culpabilité que cela éveille, qui vient un peu questionner notre légitimité à jouir de la vie que nous menons, telle que nous la menons. Cette culpabilité qui se traduit par des réactions sur la défensive pointe nos privilèges, et ça rejoint le concept de fragilité blanche élaboré par Robin DiAngelo, et ce que je lisais plus haut, plus tôt, de la position des dominantes qui n'acceptent pas toute critique, vivent les conflits ou les résistances des personnes dominées comme des agressions, et que mettait en avant Sarah Schulman. On peut retrouver cette fragilité des dominanteux sous différents modes d'expression, selon les mécanismes de domination à l'œuvre, de genre, de classe, d'orientation sexuelle, etc. Selon moi, l'ensemble de ces phénomènes qui structurent notre rapport au monde et aux autres en Occident, tout en étant poussé à d'abord penser à notre développement individuel, qui entraîne ces réactions aussi courantes que paradoxales, de se sentir à la fois touché par les problèmes que nous constatons, tour à tour un peu coupable, et d'avoir pour premier réflexe de réfléchir à comment individuellement on pourrait y remédier, avant même qu'on ait fini d'écouter les préférences et les ressources déjà existantes sur le sujet, comme si entendre plus encore la souffrance d'autrui nous était insupportable, qu'il nous fallait tout de suite la taire et la ranger face à une solution. Et en même temps, lorsque la solution n'est pas si évidente, ou que notre capacité à y remédier semble alors limitée ou questionnée, le péché d'orgueil n'est jamais très loin et se traduit fréquemment par une sorte de repli sur soi, un peu comme une bouderie d'enfant, de refus du coup de davantage écouter ou de chercher, en aboutissant directement à la conclusion « Bon bah c'est trop compliqué, du coup vu que ça peut pas venir de moi individuellement, bah je peux rien faire pour y remédier. Je n'ai pas de solution, alors je vais pas m'en occuper et je vais retourner à mes priorités personnelles. » Mais si l'on a tant de mal à rendre compte de l'aspect très culture occidentale de cette manière de penser, c'est peut-être aussi parce que nous manquons de travaux, de recherches et d'œuvres venant questionner directement nos prismes culturels. La culture occidentale, qui s'est pendant des siècles posée en modèle universel, a du mal à faire son introspection. Au-delà des formes inhérentes aux constructions nationalistes, racistes, capitalistes des États occidentaux, et il y a aussi ces intersections avec les religions judéo-chrétiennes et le rapport à la culpabilité individuelle, qui jouent très certainement eux aussi un rôle. Tout ça s'entremêle, s'influence. Et en dehors de cet aspect assez égotrip de notre rapport individuel aux problèmes des autres, on retrouve aussi, à notre propre détriment, cette manière de concevoir les choses d'abord et presque uniquement à travers notre échelle et cadre individuel. De même, c'est aussi du fait de cette idée d'un soi radicalement différent des autres, qui est une conception très marquée dans nos sociétés occidentales, qu'on pense nos traumas, nos souffrances, d'abord comme quelque chose qui nous serait propre, qui nous empêche théoriquement de comprendre ou d'être compris par les autres, sans voir qu'en fait il y a beaucoup des angoisses qui ne viennent pas de notre intérieur, qui sont captées par nous, mais qui sont au final communes à plein d'autres personnes, même sans avoir les exactes mêmes origines, et que peut-être on pourrait ainsi s'allier pour les combattre. C'est tout l'enjeu du matérialisme, de s'allier à partir de ce qu'on ressent en commun et pas sur des identités figées, parce qu'effectivement en termes d'identité on est tous très différentes, mais on ressent l'angoisse, on ressent la colère, on ressent la honte, la domination de bien des façons, et par des sources d'oppression différentes. Sans compter que beaucoup de nos traumas sont en réalité collectifs. En tant que minorité de genre, avant même de subir une agression, nous sommes imprégnés du trauma possible que peut être le viol de nos corps. Les personnes racisées héritent des mémoires traumatiques des communautés qui les ont précédées. De même, suite à des guerres ou des violences familiales, nous transmettons des formes de traumatisme. Là aussi, c'est ce que montre l'épigénétique. Les conflits, en général, révèlent ces différentes parties de soi. Non pas en termes d'identité, je parle là en tant que personne a priori singlet, c'est-à-dire avec une seule identité. Je ne me considère pas comme un système, comme une personne à multiples identités. Mais je ressens bien qu'il y a différentes strates qui parlent dans ma propre évolution, que mes angoisses sont déclenchées parce que des situations font écho à des choses souvent antérieures. Et pas forcément que de l'enfance ou des traumas passés. De manière générale, on ne s'oriente que par un processus d'apprentissage au fil des événements qu'on rencontre, au risque parfois de se barricader et de se crisper vis-à-vis des autres. L'empathie, au contraire, permet de rester ancré en soi, en regardant depuis sa position comment aider l'autre. J'avoue que même si j'aspire vraiment à pouvoir passer de la compassion à l'empathie, je n'y arrive pas simplement comme ça en claquant de mes petits doigts. Une autre difficulté à se lier à l'autre intervient lorsque nos vécus, nos traumatismes peuvent entrer en confrontation. Et là, encore une fois, je parle en tant que personne en plus hypersensible qui est vraiment très perméable aux ressentis des autres. Ils prennent très vite la place des miens, comme je l'avais expliqué dans le premier épisode de cette série. Donc ça ne m'aide pas à rester ancrée dans une position qui m'est propre. Plus le fait que je suis blanche et du coup que je suis une personne aussi empreinte de white saviorisme. Nous avons tous un cheminement, un questionnement à faire là-dessus pour dépasser nos barrières, et nous pouvons généralement toujours aller un peu plus loin que nos premières estimations données par nos mécanismes d'autodéfense. Généralement, nos mécanismes d'autodéfense sont tellement là, présents, qu'en vrai, on peut toujours un peu les dépasser sans prendre trop de risques, je pense. Bon, après, bien sûr, selon les cas de figure, et quand on n'est pas dans une situation de direct danger. Mais en tout cas, si c'est faire peur à nos propres ressentis, je pense que les barrières sont mises très très en amont, dans tous les cas. Ça me fait un peu penser aux étirements, vous savez, où peu à peu, plus on respire, plus on arrive à s'étirer un peu plus, à allonger un peu plus nos muscles. Eh bien, je pense que peu à peu, en respirant aussi et en y allant précautionneusement, on peut étirer un peu davantage nos tolérances, accepter que nos peurs soient liées à des souvenirs dont on a fait des généralisations, que notre psyché, par mécanisme de survie, a elle-même simplifié, biaisé. Le fait d'avoir été attaqué par telle ou telle partie du corps d'une personne, ou par une personne de telle ou telle minorité, ne fait pas de toutes les personnes qu'on associe à cet élément des dangers. Nous avons recours régulièrement à la binarité du bien et du mal, de la victime et de l'agresseur, pour simplifier et nous rassurer. Cela peut être une bonne piste dans les contextes où les émotions des personnes victimes sont toujours délégitimées. La priorité de la parole de la victime, par exemple, a eu son importance pour faire entendre, comme le dit Sarah Schulman, la réalité des vécus d'agression dans des contextes où les opinions publiques occidentales les discréditaient systématiquement. Mais nous ne pouvons pas ignorer l'histoire d'instrumentalisation d'autres récits de personnes blanches au profit du racisme, notamment depuis l'esclavage et la ségrégation aux États-Unis, et qui sont aussi des mécanismes qu'on retrouve dans l'ensemble des sociétés blanches occidentales. Dernièrement, un autre podcast est venu compléter mes réflexions. Il s'agit du podcast Self Care Ta Mère de Après la pluie sur Binge Audio, réalisé par Judy Duportel. Sachant que là, l'ensemble des épisodes, généralement, je les trouve assez mainstream, et même dans les propos, genre qui banalisent beaucoup de choses d'un point de vue psychophobie, etc. Mais parfois, il y a quand même quelques clés sur la psychologie, la psychiatrie, voire la psychanalyse qui sont intéressantes. Et des témoignages aussi. Donc cet épisode était intitulé « Êtes-vous parano ?» et donc s'intéresser à qu'est-ce que la réelle paranoïa par rapport à l'image qu'on en a très répandue et qui, du coup, est très généralisée. Donc le podcast montre bien que ce terme a été banalisé et que le type de personnes qui sont vraiment... qualifiés de paranoïaques, c'est des personnes qui ont vraiment une conviction de persécution que rien ne peut remettre en cause. De là, elles font un pont avec les intuitions, les peurs qu'on a tous en tant que personne, on va dire lambda. Et plusieurs personnes, notamment de minorités de genre, soulignent que ces intuitions sont aussi des aides pour les personnes qui sont dominées vis-à-vis des dominanteux, et que très souvent, notamment par l'éducation genrée, etc., on est incité à ne pas écouter nos intuitions, justement, on peut dire trigger ou red flag, alors que ça peut être des outils, en fait, de préservation, ou en tout cas qui donnent vraiment l'alarme sur un rapport de domination. Face your fears, run with scissors. Whoa. 'Cause you can fly. Yes, you can fly. Singing to fly off a building, just believe in yourself. Face your fears. Okay, I have so many problems. Mais là encore, on tombe sur la question de l'intersection entre les positions de dominé et dominante qui peuvent être présentes en nous de manière simultanée. On est juste du coup dans tout ce qu'on perçoit en tant que personne minorisée, à la fois ça veut pas dire qu'on n'a pas nos propres biais de dominante. En tout cas, les personnes qui interviennent dans le podcast tentent plutôt à justement quand même déconstruire cette idée de la conscience comme norme à tout prix. Avoir des précautions, etc. S'écouter, c'est aussi souvent un bon élément de préservation. Et surtout, le plus important, c'est de reconnaître que nos ressentis sont réels, qui viennent notamment de l'éducation patriarcale, qui nous coupe de nos émotions, etc. Mais ça ne veut pas dire que si ces ressentis, ils ont raison d'exister par les systèmes de domination, ils doivent devenir un outil judiciaire pour condamner l'autre, pour poser des vérités en soi aussi sur les autres. De là, on peut aussi monter en généralité en rappelant qu'on a différents rapports culturels aux mensonges. qu'il y a certains mensonges. Enfin, là, si on prône la vérité comme valeur absolue, on voit bien que dans notre société, c'est pas vrai, c'est pas vraiment le cas. Il y a des mensonges qui sont beaucoup plus tolérés. Et lorsqu'elle demandait au psy du podcast, du coup, quoi faire vis-à-vis des émotions qu'on ressent, quand on ne sait pas, du coup, quelle position adopter vis-à-vis de cette image de la vérité, de mensonge, etc., qu'on a, l'élément qui revient là aussi, c'est toujours le dialogue, c'est toujours d'exposer ça, d'écouter l'autre. Vers la fin du podcast, elles abordent également le sujet du traumatisme et parlent notamment du trauma collectif qu'a pu être la manif pour tous pour les personnes LGBTQIA+, qui ont été marquées en tant que minorité, alors même que c'est ce groupe dominant des personnes de la manif pour tous qui ont eux aussi cette même rhétorique d'être persécutées. Donc là, on a genre deux groupes qui réutilisent en gros l'argument du traumatisme, sauf que pour le groupe dominant, c'est plus proche du principe de conservation de ses privilèges, de refus de remise en question, voire du principe de bouc émissaire. Et là, il y a une différence qui est vraiment faite entre cette fiction-là que se fait le groupe dominant et le véritable traumatisme que peuvent aussi avoir les groupes dominés, et qui n'est pas non plus de la paranoïa, mais qui est plutôt qu'en gros la peur liée à un traumatisme, elle a des similarités avec le trouble paranoïaque par exemple, mais dans le fond c'est surtout une hypervigilance exacerbée. Dans la paranoïa par exemple, il n'y a pas d'état dissociatif, et c'est quelque chose de, on va dire, plus structuré. Après, comme le souligne les psys, c'est très différent selon les personnes. Et elles vont même jusqu'à faire un lien entre les personnes dominantes qui accèdent au pouvoir et qui peuvent avoir déjà elles-mêmes genre des troubles, et du coup, à la faveur des conjectures, d'autres personnes vont y avoir des intérêts, vont se greffer comme groupe dominant et vont profiter en gros de l'impression de ce dominanteux d'être traumatisé ou d'être menacé, et vont s'y greffer selon leurs intérêts. Et qu'à l'inverse, parfois c'est des personnes pour qui on ne distinguait pas forcément cette position, mais que le pouvoir va amener à révéler encore plus certains travers de sa personnalité, etc., etc. De la même manière, cette analyse du pouvoir, comment le pouvoir intervient avec la manière dont on se positionne en tant que personne victime ou non, personne menacée, à tort ou à raison, plutôt à tort du coup si on est en position de pouvoir, c'est un peu la même analyse qu'on peut faire avec les substances ou les contextes, qui sont des choses qui sont utilisées pour révéler ou réveiller des troubles sur lesquels se greffent les dynamiques de groupe qui vont venir exacerber, envenimer la chose en se regroupant autour d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les impressions de persécution de départ, qui veulent vraiment directement protéger leurs privilèges, être dans des dynamiques de pouvoir. Mais tout ça s'imbrique. Et tout ça pour dire que, encore une fois, c'est sortir de la vision binaire de personnes qui sont elles-mêmes juste strictement malades, où le pathologique prendrait toujours le dessus. Il y a vraiment des phénomènes de groupe et des phénomènes de pouvoir qui peuvent réveiller tel ou tel mécanisme, et les personnes en situation de pouvoir peuvent être complètement convaincues d'être menacées, ça c'est autre chose. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant à la fin de ce podcast, c'est quand elles reviennent sur, à la toute fin, les biais cognitifs, c'est-à-dire les pensées dysfonctionnelles qu'on a tous. Et elles en citent plusieurs. Donc c'est par exemple la personnalisation, de se projeter, de ramener les choses à soi. Une pensée dichotomique, c'est la pensée binaire dont je parlais plus tôt, d'avoir cette espèce de nécessité de mettre une frontière entre soit les gens sont avec moi, soit sont contre moi, et de refuser les nuances. Les inférences arbitraires, qui consistent en fait à sauter sur des conclusions à partir de juste un petit fait banal, et d'être vraiment sûr de soi, qui ouvre la porte aussi aux surgénéralisations. Après, il y a aussi d'autres biais qui sont très fréquents chez l'ensemble des personnes de nos sociétés occidentales, qui sont la minimisation des bonnes choses et les maximalisations des mauvaises choses. Et ensuite, le biais de confirmation, où on va chercher tous les éléments qui viennent confirmer nos premières impressions. Et sachant que tout ça est à remettre dans un caractère culturel. Et là, le podcast est terminé sur la citation de Paul Valéry disant « Tout ce que tu dis parle de toi, surtout quand tu parles des autres ». Donc en gros, qu'on projette aussi sur les autres les choses qui nous font nous-mêmes peur chez nous. Alors ça peut se discuter, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes au moins dans tous ces biais cognitifs qu'on a, et de garder à l'esprit face à la situation qu'on ressent, et pour vraiment faire un pas de côté et en tout cas et sortir le plus possible de cette vérité qu'il y aurait forcément un mal, une personne problématique, un sujet ou trigger, ou les facteurs qui causent du dommage sont uniques comme une substance, une personne, etc., etc. Dream, staring at the Comme rappelé par Bergman et Montgomery dans Joie militante, il est primordial de ne pas nous figer dans des mantras et de toujours recontextualiser et essayer nos principes et nos théories politiques. D'essayer de toujours maintenir un espace de dialogue, de compréhension de la situation qui pousse telle ou telle personne à agir ainsi. Et comme le disait Max, que nous avons entendu dans le podcast sur l'automutilation, tout le monde ne peut porter sur soi toute l'intersectionnalité et la prise en compte de tout. Les remises en question sur tous les sujets. Encore moins lorsqu'il s'agit d'une personne qui nous a directement blessés, par exemple. C'est pourquoi les mécanismes de justice restaurative ont pensé à des mécanismes de relais, de délégation ou de médiation. On me demande souvent, lorsque je déclare mon rejet d'une justice pénale, ce que je ferai des personnes qui me blessent et blessent mes proches. Bien sûr, comme la plupart, mon premier réflexe est de haïr, de souhaiter le mal, voire la mort. Je pense que je pourrais même dans certains contextes passer à l'acte, surtout si cela peut les empêcher de nuire. Mais cela aussi parce que je ne pense pas, moi, être arbitre ou à même d'être juge de toutes les situations. J'espère que si ces situations se présentent, je pourrai compter sur un tissu, un réseau communautaire assez fort pour prendre la relève et prendre en charge mes agresseureuses et celles de mes proches, tout en nous aménageant un espace plus safe. Tout ça pour recomplexifier donc d'où je parle. Comment j'articule mes convictions à mon vécu et mon quotidien. Je reviens au fanzine Étranger R à soi, réflexion sur le self-care, déjà largement cité dans l'épisode précédent. D'une part, l'autrice invite à repenser et complexifier nos définitions tant du care, soin en anglais, que de soi, le self. Comme Yael le rappelle, rentrer dans la valorisation du care sans adopter une démarche subversive du système dans lequel nous vivons, c'est entretenir les mêmes rouages oppressifs qui permet à la société capitaliste de vivre sur le travail d'entretien, de soutien émotionnel, sexuel, affectif, etc. Si on pense juste en mode développement personnel, bah ouais, mais en fait, votre développement personnel, il est oppressif, hein. Il dépend justement des autres personnes qui font le ménage, qui vous apportent du soin, qui vous apportent du soin sexuel. Aussi essentiel, et ça, c'est le lot du coup des personnes invisibilisées, des groupes minorisés. Plutôt que de promouvoir le self-care, l'autrice invite à réorienter et redéfinir le care en tâchant de nous situer dans les dynamiques de sa répartition déséquilibrée. Grosso merdo, ça commence par se demander « Qui travaille pour que je puisse me reposer ?» On pourrait ensuite décliner cette question sur l'ensemble des activités dites bénéfiques pour soi, auxquelles nous nous adonnons. Qui travaille pour que je puisse manger ça à cette heure-là? Qui travaille pour que je puisse arriver sans avoir à nettoyer l'espace dans lequel je suis? Qui travaille pour que je puisse me consacrer à mon travail sans avoir à prendre des nouvelles de tous mes proches? Sans avoir à garder mes enfants en même temps? Ces questions n'ont pas pour but de nous faire culpabiliser, mais plutôt, à notre rythme, de réfléchir à comment nous allier avec ces personnes invisibilisées pour renverser ensemble la dynamique qui nous a rendus dépendantes d'elles et elles exploitables. C'est la différence entre l'exploitation et l'entraide, dans le sens où c'est ok de faire appel aux services des autres à partir du moment où ces services sont valorisés à égalité de notre travail à nous. Comme le dit très bien l'autrice, la rhétorique du self-care a été réappropriée de manière à renforcer le sentiment qu'on les privilégiait que tout leur est dû. Mais une critique du self-care ne doit pas être utilisée comme une arme supplémentaire contre ceux qui sont découragés de demander de l'aide et des soins. En bref, le step-up, step-back. C'est-à-dire que les personnes les plus minorisées arrivent à se mettre en avant et les personnes les plus privilégiées, et ce qui est souvent difficile à identifier selon la complexité des situations, essaient de se mettre en retrait. Le véritable care de tout le monde ne peut se faire que par soutien et entraide mutuelle. L'autrice rappelle au passage que définir un dogme au prisme de la santé est l'un des moyens les plus sûrs de le faire accepter et intérioriser. Il en va de même pour la sécurité. Or, comme la santé, le self-care est donc quelque chose de flou. Ce qui relèverait du soin pour nous, ce serait sûrement davantage en réalité de pouvoir nous rebeller, de gueuler un coup contre le système en place plutôt que de boire une tisane pour nous apaiser avant de repartir au boulot. Et le care n'est pas le seul à être flou. L'idée de self elle-même est bancale dans une société où, comme nous l'avons vu, nous sommes très peu amenés à véritablement développer une conscience de soi ou en tout cas un rapport positif à soi. Anesthésiés et aseptisés, nous prenons véritablement conscience de nos corps et de nos individualités lorsque les secousses dépassent toutes les anesthésies quotidiennes. Autrement dit, quand nous ne pouvons plus faire taire la douleur et bien souvent quand il s'agit de traumatisme. Donc super. Autant dire que si c'est ça le soi dont on prend conscience, pas étonnant que tout comme moi, tout plein de gens aient absolument pas envie d'aller plonger leur intérieur. Contre à la fois cette manière de prôner un simple entretien de soi en tant que rouage du système et la peu réjouissante perspective de se retrouver face à son moi traumatisé, l'autrice de ce fanzine invite à repenser un self-care, non de la simple préservation de soi, mais de la transformation de soi. Un soi qui n'est plus perçu comme statique, mais comme évolutif. Et dans cette perspective, eh bien, de transformation aussi de notre rapport à nos triggers, nos traumas, nos positions. Autant d'éléments que l'on peut concevoir comme des éléments susceptibles d'évoluer. L'autrice parle d'ailleurs de la première caractéristique du syndrome post-traumatique, qui est le gel. Donc là, je cite... Quand j'ai commencé à étudier les traumatismes, j'ai appris sur le concept de l'attaque ou de la fuite. Un animal acculé va fuir ou attaquer, selon ce qui est la meilleure stratégie dans une situation donnée. Plus tard, j'ai appris sur le gel, l'instinct de faire le mort jusqu'à ce que le danger soit passé, et la possibilité de rester coincé dans ce gel si le danger ne semble jamais finir. Voilà pourquoi tant de gens qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique se font d'abord diagnostiquer la dépression. Ils sont restés gelés. Fin de la citation. Un véritable care ne serait donc pas de dire « C'est ok que tu restes dans ton isolement si t'as pas les cuillères ». Ce serait plutôt de voir comment on peut ensemble se remettre en mouvement. Ce que font beaucoup d'animaux finalement en se rassemblant entre elles. Pour ma part, j'alterne entre des formes de paralysie, celle de mon estomac et de tout mon corps, constamment sur le qui-vive, un moi rétracté en moi-même, et une surattaque, mais qui est une attaque surdéveloppée, une espèce de colère militante ou d'hyperactivité exténuante, et exténuante aussi parce que je vais vite me retrouver seule là-dedans. Dans la suite du passage que j'ai précédemment cité, l'autrice dit « J'ai récemment appris que nous ne fuyons, n'attaquons ou ne faisons le mort qu'après qu'une tentative d'engagement social ait échoué. Notre premier réflexe, sous la contrainte ou la menace, est de rechercher la solidarité ou le réconfort auprès d'autres personnes. » Si cela réussit, nos systèmes de panique se relâchent et nous pouvons retourner à d'autres fonctions, telles que le jeu ou l'invention. Sachant que notre système nerveux réagit si fortement à la présence des autres, il devient clair qu'on ne peut pas séparer l'auto-prise en charge, self, et la réciprocité du care. C'est exactement ce qui avait marché pour moi en sortant du premier confinement. C'est ce que je disais également dans le premier épisode. En trouvant un collectif d'adelphes pour lutter et prendre soin des uns des autres, ensemble. Mais à partir du moment où des dynamiques intrapersonnelles nous ont cloisonnés et qu'on a laissé plusieurs, moi compris, et malgré les alertes, dans l'isolement, notre structure de soutien s'est effritée. De mon côté, j'ai souhaité continuer le care des personnes qui m'entouraient, mais je ne pouvais pas tenir seule là-dedans. Je me suis surmenée, de nouveau, effondrée, et j'ai moi-même commis des erreurs. Pour cette nouvelle perspective de remise en mouvement collectif et de self-care transformateur, il faut alors faire le deuil de la réparation vue comme totale, c'est-à-dire d'un retour au point de départ, et accepter l'état de nos corps, de nos vies, l'idée qu'elles vont devenir quelque chose de nouveau, auquel on n'avait pas forcément pensé auparavant. Et aussi du coup l'idée que oui, il va y avoir des conflits, des choses qui nous mettent en difficulté, qui nous rappellent des traumatismes, et qu'il va falloir avancer. De la même manière que nous allons vivre des deuils et des grosses ruptures dans nos vies. De la même manière que nous allons faire souffrir et nous allons souffrir des choses au sein de nos groupes de proches. Maintenant la question est comment on se relève collectivement ensemble de ça et on s'accompagne là-dedans. On est beaucoup à galérer à ce niveau-là. Justement parce qu'on grandit encouragé à tracer des vies unilinéaires. En écartant tout risque qui sont pourtant obligatoires de maladies, de douleurs, de deuils, etc. Mais c'est là qu'on a tous intérêt, du coup, à embrasser l'enjeu de la lutte anti-validiste et anti-psychophobe. Non pas en nous blâmant d'être frustrés ou d'être mal, mais de retourner cette frustration de ne pas pouvoir contre le modèle et de pouvoir nous unir pour revendiquer le droit à la vulnérabilité, à la faiblesse, à l'erreur aussi, au repos. Ce combat du coup anti-validiste, anti-psychophobie, il est indissociable de l'anticapitalisme. Il est une lutte pour l'autonomie des soins, des créations, pour une autonomie communautaire allant de pair avec la reconnaissance de toutes les autres valeurs de travail, de création, de soins qui existent. Un renversement de l'idéologie du mérite, du fait qu'on mérite un apaisement que par le sacrifice et le burn-out. Pour qu'aussi celles d'entre nous qui commencent à se départir des normes ne culpabilisent plus vis-à-vis des autres encore dans le système. Agenouillée au pied du lit, dans une chemise de drap, juste au-dessous d'un crucifix, dans une chemise de drap, petite fille en coréen. Face my fears? Is face your fears. I got it. Fears! Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente. ¿Cómo se siente? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.